Venu de très loin pour voir de près ce que l'on nomme un pays développé, le pays des droits de l'homme. J'ose à peine imaginer, je me remplis d'humilité. Tout ne doit être que paix, respect et dignité. À peine quelque part, on me regarde de travers. Vos papiers, vous êtes louche, mon cher. Quoi m'arrête-t-on, moi, et pas les autres badauds qui ont comme seule différence leur couleur de peau? Regarde celui-là, il vient voler notre emploi. De quel droit dites-vous ça? Ces gens-là incarnent la peur, je les connais, ces gaillards-là. Vous faites erreur. À quoi bon rêver un pays où l'argent coule à flot? Si c'est pour qu'au moindre pas on te crache dans le dos. Je préfère encore mon petit pays où j'étais triste, plutôt que d'être entouré de tant de racistes. Mais je lâche pas prise et entame une petite marche sur les boulevards. Je tombe nez à nez avec un mec couché sur le trottoir. Comment peut-on laisser cet homme dormir tel un animal? Je lui cherche un hôtel et j'entends les gens en dire du mal. Mais qu'est-ce qui lui prend de toucher un mec si sale? Vous êtes horrible. Ce n'est qu'un fainéant qui mérite son lit en journal. Dieu de mépris. Chez moi, chez moi, chez moi, c'est la guerre. Mais au moins entre nous, on est solidaires. Chez moi, on mange rarement à notre faim. Mais si quelqu'un est au bord du gouffre, on partage le pain.